Togo, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 28 mars 2023. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la République a solennellement ouvert les travaux de l'Assemblée législative est-africaine. Il se déroule pendant 2 semaines au palais des congrès de Kigobe à Bujumbura. Notre reporter est en ligne. L'Union européenne a offert à 11 médias burundais du matériel de travail d'une valeur de plus de 100 000 euros. Ces équipements leur permettront de bien couvrir les prochaines élections prévues en 2025 et 2027. Et le gouverneur de la province de Ngozi interdit aux jeunes de se marier sans s'être reconstruit une maison en tôle ou à défaut en tuile. L'objectif affiché est étant de retarder l'âge de mariage et ainsi faire face à la démographie galopante. Dans sa circonscription, notre correspondant sera en ligne pour les détails. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté est-africaine apprécie le rôle que joue l'Assemblée législative est-africaine dans l'intégration régionale. Il l'a déclaré ce mardi à l'ouverture des travaux de cet organe qui se déroule au Burundi pendant 2 semaines. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi, Daniel Gelas Ndabirabe, souhaite une collaboration directe entre l'Assemblée législative est-africaine et les assemblées nationales des pays membres de la communauté est-africaine. Jean de Dieu, il a causé état Kigobe pour nous. Lors de l'ouverture des travaux comptables pour la première session de la 5e Assemblée législative est-africaine qui se déroule au Burundi pour une période de 2 semaines, Daniel Gelas Ndabirabe, président de l'Assemblée nationale du Burundi, a annoncé dans son discours que le Parlement burundais estime que le traité qui institue la communauté est-africaine mérite d'être amendé pour se conformer aux réalités du moment. Il souhaite également que le canal de collaboration entre l'Assemblée législative est-africaine africaine et les assemblées nationales de pays membres de cette communauté soient directes. Le Parlement du Burundi estime que le traité portant création de la communauté est-africaine devrait être amendé pour pouvoir s'ajuster à la réalité du moment. Le Parlement du Burundi souhaite aussi que le canal de collaboration entre l'EALA et les parlements des pays partenaires soient plus directs afin de consolider leurs liens d'amitié et de coopération. Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, en même temps président en exercice de la communauté est-africaine, apprécie le rôle que joue cet organe en matière d'intégration régionale. Il a rappelé que cette communauté continue de grandir, notamment depuis 2016, date de la dernière tenue d'une session pareille au Burundi, avec l'entrée dans cette organisation de la République démocratique du Congo et du Sud-Soudan. Cette séance était dirigée par le président de l'Assemblée législative est-africaine, un premier Burundais à la tête de cet organe depuis sa création, Joseph Nakarutimane. Jean de Dieu, Irakoze à Kigobe pour la rédaction Isanganiro. Aucun chauffeur n'a le droit d'importer un véhicule à partir de l'étranger sans autorisation préalable. Une ordonnance conjointe portant régime d'imposition forfaitaire sur le transport international routier du 26 janvier de l'année en cours dit que pour avoir cette permission, le chauffeur doit être envoyé par une agence de transport international routier reconnue ou avoir une permission émanant du ministère ayant les transports dans ses attributions. Compte rendu de lecture, Léonce Vitalio. Selon l'article 2 de l'ordonnance, les agences de transport international routier sont créées et s'administrent dans le respect de la législation en vigueur. Toutes les agences de transport international et routier sont régies par les dispositions de cette même ordonnance. Le régime d'imposition forfaitaire sur le transport international et routier est fixé annuellement. À lire l'article 4, alinéa 3 et 4 du document, il faut $60 américains pour une agence de transport international routier des personnes par véhicule de moins de 30 places assises enregistrées à l'étranger et $150 pour une agence de transport international et routier des personnes par véhicule de plus de 30 places assises toujours enregistrées à l'étranger. Mais là, nous ne faisons que citer quelques points du document. L'alinéa 7 du même article 4 stipule que les chauffeurs individuels non enregistrés dans les agences de transport international et routier des véhicules importés doivent être en possession d'une autorisation du ministère en charge des transports dans ces attributions, moyennant paiement de 50 000 francs burundais chaque fois qu'ils amènent un véhicule. La date limite de paiement du régime d'imposition forfaitaire sur le transport international et routier est fixée au 31 mars 2023 avec une amende de 50% pour les retardataires. L'ordonnance a été signée conjointement le 26 janvier dernier par les ministres ayant en charge le transport et les finances dans leurs attributions. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h à Bujumbura et sur Isanganilo. Aucun jeune homme n'a désormais le droit de se marier sans être construit une maison en tôle ou à défaut en tuile en province Ngozi. Décision prise par le gouverneur de cette province lundi lors d'une descente effectuée en zone Mivo de la commune et province Ngozi. Pour Emmanuel Nachon Sanze, cela dissuadera les jeunes de ne pas se marier en bas âge et ainsi faire face à la démographie galopante dans cette province qui enregistre actuellement une densité de plus de 700 habitants par kilomètre carré dans certaines communes. À la communauté batois considérée comme pauvre, le gouverneur leur demande d'élever n'offusque que des murs de maisons afin de bénéficier des tôles. Ngozi, Apollinaire Muzagara. Comme l'indique le gouverneur de la province Ngozi, des jeunes se précipitent à se marier à bas âge pour se faciliter la tâche et se construisent des maisons avec des toitures en herbe. Emmanuel Nachon Sanze décide par conséquent que désormais pour se marier, il faudra pour les jeunes avoir une maison en tôle. Il ordonne à cet effet l'administration à la base de suivre de près les candidats au mariage pour qu'ils observent cette mesure. Quant à la communauté batois, qui dit être incapable de respecter cet ordre suite à la pauvreté, le gouverneur Emmanuel Nachon Sanze leur tranquillise, leur demande uniquement l'élévation des murs. Le reste, le gouvernement va s'en charger, dit-il. Certains parmi les habitants sur place à Mivo saluent cette décision, d'autres parlent d'une décision difficile à observer pour certaines populations pauvres. À elles, le gouverneur Ngozi leur conseille d'éviter les rigaras et de travailler plutôt d'arrache-pied, car selon lui, ce sont ces rigaras qui poussent au banditisme et autres malfaisances. Son mariage à bas âge est à l'origine, selon Emmanuel Nachon Sanze, de la force démographique qu'a la province Ngozi, une province qui compte actuellement certaines communes qui dépassent 700 habitants par kilomètre carré. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire, vous voudrez bien nous excuser pour ces petits problèmes de nettoyage de cet élément. Nouvelle des provinces toujours maintenant sur Rumonge où les contrats de location au départ signés entre la commune et les particuliers, mais par après transformés en sous-traitance ou étendus sur plus d'un an, vont être résiliés ou revisités. Cela a été décidé l'après-midi de ce lundi lors d'une réunion du conseil communal à Rumonge. Les conseillers communaux de Rumonge estiment impératif l'actualisation des contrats pour augmenter les entrées communales. Correspondance de Jean-Pierre Misako. Les contrats qui doivent être les premiers à être résiliés ou revisités sont les contrats de location transformés en sous-traitance. L'exemple évoqué sur ce cas est celui d'un contrat où une maison communale a été louée à 80 000 francs burundais par mois, puis le locataire s'est transformé en bailleur, faisant louer cette fois-ci la maison communale à 350 000 francs burundais par mois, un secret découvert après un conflit éclaté entre les deux personnes, selon l'administrateur communal de Rumonge. Pour ce cas, le conseil communal de Rumonge a décidé que le contrat doit être résilié sans aucune autre forme de procès s'il n'accepte pas de payer à la commune les 350 000 francs burundais par mois ou tout simplement signer un contrat avec son deuxième locataire payant 350 000 francs burundais par mois. D'autres contrats à revisiter sont ceux des locataires des palmeraies communales sur plus d'une année. Ici, le conseil communal de Rumonge a décidé de vérifier d'abord si ces locataires ont honoré leurs engagements et procéder à la signature de nouveaux contrats n'excédant pas une année. Le conseil communal de Rumonge trouve en effet dépassé ce genre de contrat alors que le budget programme de la commune est annuel. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Je vous l'avais dit dans les titres, le matériel offert par l'Union européenne à 11 médias burundais à travers la Fondation Hirondelle va les aider à bien couvrir les prochaines élections prévues en 2025 et 2027. Une reconnaissance exprimée par les directeurs de ces organes de presse. De son côté, l'assistant du ministre de la Communication qui avait représenté le gouvernement a fait savoir que ce don va contribuer à la promotion du journalisme au Burundi. Thierry Kitamoya exhorte les bénéficiaires à bien entretenir ces équipements. Les détails dans ce reportage de Jean-Marie Vianengenda Koumana. Silver Nakarutimana, directeur de la radio-télévision Isanganilo, l'aide des bénéficiaires de ces équipements, fait savoir que ces outils vont aider les médiums burundais à être plus productifs et travailler professionnellement. C'est intéressant pour moi et c'est intéressant pour les collègues de pouvoir obtenir des équipements pareils, modernes, qui sont vraiment de dernier cri. C'est un grand remerciement aujourd'hui à tous ceux qui ont contribué à ce qu'on arrive à ce jour. Certains ont fait des réactions, des fois inutiles, mais j'imagine que personne ne savait qu'un jour pareil arriverait. Nous en avons toujours besoin. Quant à Mireille Kanyange, directrice de la Maison de la Presse, elle est dit se réjouir de son dos tout en demandant aux partenaires qui soutiennent le secteur des médias de l'organiser des formations à l'endroit des journalistes parce qu'ils sont besoin de se faire sentir. Permettez de remercier l'Union européenne qui, à travers son financement, a pu appuyer la Maison de la Presse pour un document sur base duquel on pourra approcher nos différents bailleurs et des modalités de travail. Thierry Kitamoya, assistant du ministre de la Communication qui a représenté le gouvernement du Burundi, fait savoir que Sodo va contribuer à la promotion du journalisme au Burundi. Il exhorte les bénéficiaires à bien entretenir ses équipements. C'est un sentiment de satisfaction pour le ministère de la Communication, des technologies de l'information et des médias parce que on l'avait toujours demandé à nos partenaires. Parfois, les partenaires veulent beaucoup plus financer les formations sans appuyer techniquement les médias. Et or, même si les journalistes sont théoriquement formés, s'ils n'ont pas d'équipement, c'est vraiment inutile. Nous voyons que ces équipements vont épauler les médias qui travaillent dans des conditions financières difficiles, technique aussi difficile. Ces 11 médiums qui ont bénéficié sur deux matériels de la part de l'Union européenne via la Fondation Irlandaire sur les magazines Jimbere, le journal Iwachu, Mashariki TV, Radio TV Bonu, Radio TV Rema, Radio Télévision Isanganiro, Radio Culture, Radio Ijwi ry'Umukenyezi, Radio Umucho FM, Radio Izere FM ainsi que l'Association des radios diffusées ABL. Jean-Marie Vianney, Ngenda Koumana. En bref, en actualité nationale et internationale, les travaux de réhabilitation de la route reliant le quartier Nyabagere et Gihosha en mairie de Bujumbura semblent paralyser la population environnante qui avait nourri l'espoir de voir cette route praticable aujourd'hui. Signale qu'ils n'ont toujours pas de facilité à pouvoir se rendre dans d'autres quartiers et réclament la reprise urgente des travaux pour que le transport des biens et des personnes puisse reprendre également. Nous ouvrons maintenant la rubrique internationale de ce journal. Actualité internationale. Malgré une interdiction de manifester, le rassemblement anti-gouvernemental prévu par l'opposition a bien eu lieu à Nairobi, défiant l'avertissement de l'inspecteur général de la police Japhet Koome. Les manifestants et le convoi du leader de l'opposition Raila Odinga ont été accueillis lundi par les gaz lacrymogènes tirés par la police kényane. La semaine dernière, 31 officiers ont été blessés lors des affrontements entre la police anti-émeute et les manifestants et plus de 200 personnes ont été arrêtées, dont plusieurs responsables politique de l'opposition. Un étudiant a été tué lors des manifestations de la semaine dernière à Kisumu. Raila Odinga a appelé à des manifestations tous les lundis et jeudis contre le gouvernement du président William Ruto, qui selon lui a volé les élections l'année dernière et qui ne s'attaque pas à la cherté de la vie. Et des experts des droits de l'homme soutenus par l'Organisation des Nations Unies ont déclaré lundi qu'il existe des preuves que des crimes contre l'humanité ont été commis contre des Libyens et des migrants en Libye, y compris des femmes forcées à l'esclavage sexuel. Les enquêteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont également reproché à l'Union européenne d'avoir apporté son soutien aux forces libyennes qui, selon eux, ont contribué aux crimes commis contre ces êtres humains. Enfin, la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a eu lieu mardi 28 mars en France, sous étroite surveillance policière. Un dispositif inédit a été déployé. 13 000 policiers et gendarmes seront déployés, dont 5 500 à Paris, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin. Pendant ce temps, le président Macron a reçu lundi à l'Élysée les responsables de la majorité et les ténors du gouvernement. Le chef de l'État tente de déminer le terrain sans rien céder aux syndicats. En effet, le président de la République veut montrer aux organisations syndicales que sa porte est ouverte, mais pas à n'importe quelle condition. D'accord pour parler des conditions de travail, de la pénibilité, de l'emploi des seniors ou encore de la reconversion professionnelle, mais pas question d'évoquer le report de l'âge légal. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un rapide rappel des titres avant de nous séparer. Le président de la République a solennellement ouvert les travaux de l'Assemblée législative est-africaine EALA. Il se déroule pendant 2 semaines au Palais des Congrès de Kigobe, à Bujumbura. Et l'Union européenne a offert à 11 médias burundais du matériel de travail d'une valeur de plus de 100 000 euros, des équipements qui leur permettront de bien couvrir les prochaines échéances électorales en 2025 et 2027. Et le gouverneur de la province de Ngozi interdit aux jeunes de se marier sans s'être construit une maison en tôle ou à défaut en tuiles. L'objectif étant de retarder l'âge de mariage et ainsi faire face à la démographie galopante dans cette circonscription. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à François Akimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.